Et tout de suite sur Radio Duo, c'est qui ou quoi ? BD, documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Duo, une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Bienvenue donc dans la 15e émission de la deuxième saison de qui ou quoi sur Radio Duo. Ce soir, après une spéciale BD la dernière fois, il y a deux semaines, je vais vous faire une spéciale livre jeunesse. Alors bien sûr, ça peut paraître incongru de parler livre pour enfants à 21h. En général, c'est plutôt le créneau de trucs qui passent le matin, de trucs dont le cœur de cible est la future maman enceinte en congé maternité ou la mère au foyer, genre l'émission Les Maternelles à la télé. Donc c'est vrai que c'est pas forcément le plus pertinent d'en parler ici. Mais en fait, déjà, je ne trouve pas qu'il y ait un âge particulier pour lire de bons livres jeunesse, et puis en vrai, il n'y a pas d'heure pour en parler non plus. Donc, qui ou quoi, spécial livre pour enfants, mais pas que, c'est parti. En fait, les livres dont je vais vous parler ce soir sont tous ou presque, enfin non, sont tous, des documentaires jeunesse. On parle très peu des documentaires jeunesse à la radio ou à la télé ou même n'importe où. Souvent, quand il s'agit de documentaires jeunesse, la plupart du temps, mais je peux me tromper, on se dit qu'en fait, un enfant aime un sujet, donc on trouve un livre qui correspond, on regarde vaguement si la mise en page est cool, si le graphisme nous plaît, et puis où ça correspond à peu près, donc on achète. Sauf qu'en vrai, en termes de contenu, c'est pas toujours ça. En fait, la plupart du temps, pour résumer, les documentaires jeunesse font office de cadeau pour des enfants monomaniaques à qui on ne sait pas trop quoi offrir. J'en parle d'expérience vu que c'est comme ça que je me suis retrouvé avec un livre sur les instruments de musique que je n'ai jamais ouvert, tout ça parce que j'aimais bien la musique. Mais entre être fan de Guns N' Roses et un livre type encyclopédie sur les instruments avant, il y a tout un monde. Donc pour éviter cet écueil, je vais en fait vous parler de quelques petites perles de l'édition de documentaires jeunesse. Des livres donc qui peuvent parler à tout le monde, des trucs que j'ai trouvé trop forts, que j'ai plaisir à lire et à feuilleter, malgré le fait que je ne sois pas monomaniaque, que je n'ai pas 5 ans, et que donc je ne suis pas le cœur de cible. Pas de cohérence, pas d'ordre non plus dans tout ce dont je vais vous parler ce soir. Le premier livre dont je vais vous parler s'appelle Colorama et c'est l'œuvre d'une dame qui se fait appeler Cruciforme et c'est paru chez Gallimard. Comment vous expliquer ce livre vu que bien évidemment il n'y a pas d'histoire, c'est un documentaire. Alors il y a un thème, au premier abord on pourrait penser que ce serait les couleurs, je vous rappelle que le titre c'est Colorama, mais en fait c'est bien plus que ça. En fait, Colorama, c'est un nuancier encyclopédique. C'est-à-dire qu'à travers des couleurs, le livre va nous décrire le monde. Dit comme ça, ça semble un peu obscur, mais en fait, je vais vous expliquer. En fait, le livre se présente de la façon suivante. Sur la page de droite, une couleur, pleine page, une page d'une seule couleur, et sur la page de gauche, en vis-à-vis, un objet, un personnage, une anecdote historique, bref, un dessin qui situe la couleur dans le monde réel et une légende qui l'accompagne. Alors, j'ai quelques exemples sous la main, j'ai le livre sous la main. Bien entendu, je ne l'avais pas préparé, donc j'ai dû aller le chercher. D'où le petit blanc que je viens de vous faire. J'ouvre le livre au pif, sur la page 71. Donc on a une page à droite qui est complètement verte, et à gauche, un dessin d'une souris, qui tient une fiole avec du verre dedans et des pinceaux. Et en dessous, c'est donc écrit « arsenic ». Au début du XXe siècle, de nombreux rats infestaient les rues de Paris. Afin de les exterminer, on mit au point un poison à base d'arsenic, le ver de Paris. Cette poudre, terriblement toxique, était aussi employée comme pigment par les peintres de l'époque, et ce, malgré les risques encourus. Ainsi, Cézanne, Monet ou encore Van Gogh s'empoisonnaient à petit feu en réalisant leurs peintures aux couleurs chatoyantes. Donc, comme je vous ai dit, une couleur, un dessin et une légende. C'est quand même assez fort tout ça. Ce livre, donc Colorama, il est signé Cruciforme. Drôle de nom pour un auteur. En même temps, ce n'en est pas un, parce que quand on cherche sur Internet, en fait, Cruciforme, c'est un studio de création. Bon, c'est un studio de création, mais avec une seule personne dedans qui s'appelle Marie-Laure Cruchy. D'où le Cruciforme, vous l'aurez compris. Donc au final, ça revient quand même un peu au même. Mais c'est pas signé par un nom, un prénom, c'est pas ça qui est mis en avant, c'est donc le pseudo qui est mis en avant, Cruciforme. Cruciforme et se présentent eux-mêmes comme un studio d'illustration et de design graphique. Il y a un site sur internet qui présente les différentes facettes du studio et donc du travail, les différentes facettes du travail de Marie-Laure Cruchy. Un site internet très dense en termes de contenu, très beau en termes de design et très fluide en termes de navigation. Beaucoup de ses travaux personnels sont présentés, même si c'est sous le nom de Cruciforme, et c'est vraiment intéressant et je vous invite à aller le voir, même si au final... on a quand même l'impression d'être sur un site CV de designer, quoi. Revenons au livre Colorama et parlons un peu du dessin. Le dessin de Cruciforme, c'est un dessin simple et de bon goût, pour résumer, qui s'appuie en fait dans sa construction des images sur des formes basiques et sur des couleurs basiques. Le dessin, il semble doux et il retrouve en fait une sorte de classicisme enfantin tout en étant ancré dans un graphisme moderne. Bon, bien sûr, ce n'est que mes goûts, mais moi, j'aime beaucoup. Colorama aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est un livre imposant. Malgré le fait que ce soit un livre pour enfants, c'est un ouvrage qui fait bien ses 200 pages. Alors bien sûr, c'est pas un livre qu'on va lire d'une traite, c'est plutôt quelque chose dans lequel on va picorer, on va découvrir, on va apprendre, ou on va juste se faire plaisir aux yeux. Ce livre, en fait, avec ses couleurs qui sont partout, ses dessins, en fait, ce livre, il a une forme d'intemporalité. Il est complètement inclassable, ce qui le rend intemporel. Par exemple, je me demande vraiment où je pourrais le mettre dans une bibliothèque. Parce que, où je le mets avec les couleurs, avec les techniques de dessin, ou alors est-ce que je le mets dans un rayon un peu encyclopédie, vu qu'il va parler, comme je vous ai donné pour l'exemple tout à l'heure, d'arsenic, de peinture, etc. Et en fait, tout le livre est à l'aune de ça, et je ne sais pas vraiment où le mettre. En fait, c'est quand on a le livre, qu'on a régulièrement l'envie de se plonger dedans, en fait. On va picorer dedans, comme j'ai dit. Mais puis, en fait, on découvre tout le temps des choses, on peut se laisser aller à rêver une fois qu'on a appris une couleur, ou est-ce que je l'ai vue, etc., etc. Et là, en fait, j'en parle avec mes yeux d'adulte, avec toutes les découvertes et tout ce que ça a pu m'inspirer. Mais en fait, comme c'est un livre pour enfants, je me dis que si, quand je vois l'effet que le livre a eu sur moi, en fait, je me dis qu'avec un enfant, si l'enfant accepte de rentrer dedans, parce que comme je vous ai dit, c'est un gros pavé, je suis sûr en fait que le livre, il laissera des traces dans sa vie future. Et en fait, qu'un livre soit comme ça, enfin, qui dégage autant de force, on ne peut pas dire la même chose de n'importe quel livre, à part quelques classiques. Alors, bah, là, je crois que tout est dit. C'était James Holden and the Animal Spirit avec le morceau Each Moment Like the First. Vous êtes toujours, on est de retour sur Radio Dio dans Qui ou Quoi, l'émission bimensuelle qui vous parle de bouquins sur le 895. On y retourne avec quelques questions. Saviez-vous que les mouches sont sourdes et font caca toutes les 5 minutes? Ou saviez-vous que les zèbres en fait sont noirs avec des rayures blanches et non pas l'inverse? Eh bien en fait, tout ça, vous pourrez l'apprendre dans le livre dont je vais vous parler maintenant qui s'appelle « La petite encyclopédie illustrée des animaux les plus étonnants » de Maja Safström aux éditions Rue du Monde. Le second livre dont je vous parle ce soir, donc la petite encyclopédie illustrée des animaux les plus étonnants, c'est un bestiaire d'animaux. Contrairement à une vraie encyclopédie, les animaux ne sont pas présentés dans l'ordre alphabétique ou à travers un groupe zoologique. En fait, dans ce livre, qui va vous parler de plein d'animaux, c'est plutôt aléatoire et les informations sont plutôt de l'ordre de l'anecdotique et très succinctes. Il n'y a pas de quoi en faire, y a pas de quoi faire un exposé en CM1 par exemple. Mais en fait, les informations qu'on y glane et qu'on y trouve sont toujours drôles et étonnantes. En fait, cette encyclopédie, c'est un puissant fond d'informations désuètes. Sauf que, à chaque page, en fait, il y a au moins une information intéressante. À croire que, moi, quand je lis le livre, à croire que c'est toujours ce que j'ai voulu savoir. Et donc, je ne résiste pas à vous donner quelques exemples maintenant. Là encore, j'ai le livre sous la main. Donc, les zèbres, ça, je vous en ai parlé. Alors, voilà. Par exemple, sur cette page-là, la page 81, on a une double page avec une chèvre. Et donc, je vais vous lire ce qui est écrit sur cette chèvre. C'est que quand elles bêlent, les chèvres ont des accents qui diffèrent selon leurs origines. Elles ont des pupilles rectangulaires, bon ça on aurait pu le voir, et les boucs s'urinent sur la tête pour avoir une odeur plus attirante pour les femelles. Autre page, autre exemple, page 89, le plus long vol d'une poule jamais enregistré n'a duré que 13 secondes. Etc, etc. Donc dans ce petit livre de Maja Safström, la petite encyclopédie illustrée des animaux les plus étonnants, vous apprendrez tout ce que vous avez rêvé de savoir, toujours rêvé de savoir, mais même sans y avoir jamais pensé en fait, même pas sans avoir jamais osé le demander, là c'est même pas sans avoir jamais pensé, j'ai jamais pensé à la durée du temps de vol d'une poule par exemple. Cette petite encyclopédie, donc, c'est l'œuvre de Maja Safström. Alors, qui est Maja Safström? Eh bien, c'est une illustratrice suédoise, c'est pour ça que j'arrive pas trop bien à dire son nom, qui n'est pas très connue, c'est une débutante, hein, une rookie, comme on dit. Elle a à son actif 3 livres pour enfants, dont 2 sont traduits en France. Alors, elle aussi, comme Cruciform juste avant, elle a un site internet et c'est bizarre parce qu'il est étrangement pareil que celui de Cruciform. À croire qu'en fait il y a une espèce de norme inattendue, inconsciente et pour le coup un peu décevante qui régit le design et la navigation d'un site d'illustrateur. Mais bon, c'est pas le propos. Sur ce site, vous ne pourrez pas vraiment voir tous ses travaux vu que justement elle n'en est qu'à ses débuts. Mais ça peut être une toute petite fenêtre ouverte sur son travail. Et au moins, vous verrez la couverture des livres. Je voulais quand même vous dire un petit mot sur l'éditeur du livre, qui est Rue du Monde. Alors, Rue du Monde, c'est quoi? Rue du Monde, c'est une maison d'édition une maison d'édition française qui existe depuis plus de 20 ans, qui a été créée par un auteur de livres pour enfants qui s'appelle Alain Serre, qui donc a beaucoup écrit pour la jeunesse. Il était lui-même au départ enseignant. Et il a créé cette maison d'édition grâce à des souscriptions à un moment, donc dans les années 90, où le crowdfunding n'existait pas. Donc respect d'autant plus que le truc existe encore plus de 20 ans après. En fait, l'éditeur Rue du Monde entend, et là j'ouvre les guillemets parce que je reprends leur slogan, Rue du Monde entend interroger et imaginer le monde, donc tout un programme. Et moi, même si j'aime assez peu la maquette des livres Rue du Monde, je trouve qu'en fait cette maquette vieillit vite et puis en fait ne met pas forcément en valeur le contenu. Dans tous les cas, je voulais quand même prendre un petit peu de temps pour parler de cet éditeur et de son catalogue, parce que ce catalogue, il est vraiment très intéressant. J'ai pas vraiment le temps de détailler plus que tout ce dont je viens de vous dire, donc je vous renvoie vers leur site internet, hein, ruedumonde.fr. Et dedans, ben justement, vous aurez un aperçu des 450 livres au catalogue. Il y a un peu à boire et à manger, mais c'est quand même très très très souvent intéressant. Revenons après donc ces petites présentations de l'auteur et de l'éditeur au livre proprement dit, donc la petite encyclopédie illustrée des animaux les plus étonnants. Donc, comme son nom l'indique, c'est un petit chef-d'œuvre source d'étonnement. Même si, en fait, c'est pas les animaux qui sont étonnants, parce que les animaux dont il traite sont tous des animaux un peu communs. Mais c'est tout ce qu'ils nous disent autour de ces animaux qui les rend finalement étonnants. Et donc, ce livre, c'est une source d'étonnement, d'inspiration et d'émerveillement. Le premier, le dessin. J'en ai un petit peu parlé un peu avant, enfin, quand je vous ai dit les pleines pages, etc. En fait, je vais essayer de vous décrire ça un peu plus avant. Donc le dessin, en fait, bon, le livre, il est bleu, il est d'une couverture verte, mais tout l'intérieur du livre est en noir et blanc. C'est un dessin un peu très, très stylisé quand même, un peu comme une bande dessinée indépendante. Les animaux ne sont pas vraiment dessinés avec réalisme. Les proportions ne sont pas forcément respectées. C'est pas une encyclopédie de Buffon. C'est pas ligne claire. C'est très stylisé et donc pas forcément respectueux de la nature. Mais en fait, c'est là que c'est fort parce que ça correspond tout à fait avec l'angle à aborder, quoi. C'est l'étonnant des descriptions va bien avec un dessin qui est au final, enfin, c'est un peu péjoratif ce que je veux dire, bancal, mais qui ne l'est pas. Mais en fait, cet étonnement et le dessin, ça forme un tout qui est très très pertinent. En fait, moi, je trouve ça tellement bien ce livre. Ce livre, en fait, il me rend léger. Il me rend enthousiaste vis-à-vis de la puissance de la nature, tellement on découvre des choses complètement inattendues. Et que, en fait, ça m'amène à des réflexions, qu'on ait peu de choses. Et puis aussi, ça me fait me poser une question. Si la poule, il y a des choses étonnantes à dire sur la poule, sur la tortue, sur les souris, sur les zèbres, les poissons clowns. Si en fait, il y a tellement de choses étonnantes à apprendre sur les animaux, ben est-ce que en fait, nous, les êtres humains, on n'aurait pas aussi quelque chose d'étonnant ? Et je vous avoue que j'y ai pensé à la lecture de ce livre, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait se dire sur les êtres humains ? Et le premier truc qui m'est venu, en fait, c'est que le seul truc étonnant pour l'humain, c'est un peu l'autodestruction. Bon, après, je suis tombé dans la philosophie, et puis je suis parti dans des débats, etc. Mais en fait, voilà, sous ces dehors anodins de livres pour enfants, un peu présenté par le petit bout de la lorgnette, et ben en fait ce livre peut nous emmener vraiment très très loin. Et rien que pour ça, et bien je le survalide et je vous le conseille absolument. Thank you. aber selbst zwei Kontinente weiter noch singen hören. C'était le groupe Einstürzende Neubauten avec le morceau Bleib. On est de retour pour la dernière partie de Qui ou Quoi, l'émission bimensuelle qui vous parle de bouquins sur le 895 Radio Audio. Et donc, dans cette dernière partie, le dernier livre dont je vais vous parler ce soir, je vais vous inviter à partir dans le ciel et plus précisément à partir en fait dans les nuages. Bon alors, n'allez pas imaginer que je vous emmène dans un voyage poétique ou autre à la Jules Verne. On reste dans les documentaires, je vous emmène dans le ciel et dans les nuages, mais au sens propre du terme, ou presque, vous allez voir. Le dernier livre dont je vais vous parler ce soir s'appelle « L'Atlas des nuages » par Julie Guilhem et c'est paru chez Actes Sud. Alors, personnellement, j'aime les nuages. Bon, j'ai toujours trouvé très beau un nuage dense et cotonneux, un peu comme les nuages dans les films d'Hayao Miyazaki, les films comme Porco Rosso, Nausicaa ou Le Château dans le Ciel. Ces beaux nuages là qui sont presque palpables alors qu'on sait qu'en vrai ils ne le sont pas. Et puis aussi j'ai toujours rêvé de connaître les noms des nuages. L'Atlas des nuages, donc le dernier livre dont je vais vous parler, de Julie Guilhem, en fait c'est le livre parfait pour quelqu'un comme moi. Comme son nom l'indique plutôt bien, ce livre va nous présenter, nous apprendre et nous expliquer les nuages. Ce livre, en fait, c'est un vrai documentaire jeunesse, avec explications scientifiques et tout et tout. En fait, les nuages sont regroupés par type, les nuages bas, les nuages intermédiaires, les nuages hauts et même les nuages rares, parce que ça existe, etc. Pour chaque type de nuage, on a une introduction sur le comment, du pourquoi de leur formation, avec force schéma explicatif mais compréhensible par un enfant, donc normalement aussi par un adulte, bien sûr. Et puis une fois qu'on a compris le fonctionnement, vient la partie Atlas du titre, et donc la présentation des nuages et de leurs fameux, avec leur fameux nom latin. Et là où en fait le livre va se démarquer du tout venant du manuel du parfait apprenti météorologue, c'est qu'en fait les nuages ici ne sont pas photographiés, mais ils sont dessinés. Et croyez-le ou non, c'est d'une force exceptionnelle. Avant de revenir sur le livre, je vais vous parler rapidement de l'auteur, Julie Guilhem. Rapidement, parce qu'en fait, j'ai pas appris grand-chose sur elle, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos, j'ai pas cherché énormément non plus, je l'ai pas essayé de l'appeler. Julie Guilhem, donc, elle est illustratrice dans le civil et elle a fait l'École supérieure des arts décoratifs à Paris, ce que j'ai été ravi d'apprendre, mais qui à moi, en fait, ça me parle pas plus que ça, vu que je sais pas du tout ce qu'elle fait cette école, et en fait, on ne sait rien d'autre sur elle. Voilà, c'est comme ça. En revanche, vous serez ravis d'apprendre que, comme ses collègues précédentes, c'est-à-dire Cruciforme et Maja Safström, elle a un site internet, un site sur lequel on peut voir son travail, découvrir son travail et ses différentes collaborations. Sur ce coup, il est un peu différent des deux autres, mais c'est quand même un peu la même impression qui s'en dégage. On n'a pas vraiment l'impression de découvrir l'œuvre d'une artiste, mais plutôt l'impression de lire un CV. Bon, c'est d'ailleurs un peu ce que c'est en fait, mais bon, ça c'est encore un autre truc. En attendant, ça permet de, comme pour les autres sites, d'ouvrir une petite fenêtre sur une artiste, sur son œuvre, et ça me permet en plus, moi, de parler de cette personne, Julie Guilhem, et de son dessin que vous pouvez aller voir. Son dessin d'ailleurs, que quand on voit sur le site, son dessin qui est précis, coloré, léger. Son univers graphique, il est parfait pour les livres documentaires. Elle en a fait d'ailleurs plusieurs. Et on peut retrouver une espèce de résonance avec des modes d'emploi un peu désuets des années 60, où on voit des schémas, des flèches et des choses comme ça. Et une espèce d'écho là-dedans, dans ce qu'elle dessine. Mais bon, si vous ne voulez pas lire l'Atlas des nuages, allez quand même jeter un œil sur son site et son travail qui sont fort beaux. Bon, je ne vais pas vous parler de l'éditeur, Actes Sud, qui est une grosse maison d'édition, qui continue de développer son activité jeunesse, etc. Là, on est là-dedans. Je vais plutôt vous parler du livre, et plus précisément, en fait, de mon ressenti. En fait, comme j'ai dit, dans les livres sur les nuages, en fait, souvent, les nuages sont photographiés et pas dessinés comme ici. Et j'aurais jamais cru qu'un dessin de nuages puisse être aussi fort et plus parlant, plus puissant qu'une photo. En fait, quand on lit ce livre, quand on le regarde, quand on le feuillette, on sait que c'est un dessin ou une peinture. Je ne sais même pas comment elle fait pour réaliser les images des nuages. Mais en fait, on voit les nuages dans ses mains comme jamais auparavant. D'expérience, un livre de photos, ça vieillit. Les techniques de prise de vue changent avec le temps et un livre de photos de nuages, 10 ans plus tard, il va être moche et quasiment sans intérêt. Enfin, en tout cas, il aura vieilli et le rendu sera pas intéressant. Un livre de dessin aussi, ça vieillit. Mais en fait, là, comme les dessins de nuages sont sur 2 pages pleines, je me demande comment ça peut vieillir. Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose d'intemporel dans la façon de présenter le sujet et dans les dessins. En vrai, c'est un peu difficile de regarder un nuage dans le ciel et d'aller chercher son nom dans ce livre. Ça se pose pas vraiment là en tant que manuel. C'est vraiment un atlas, parce que si on veut vraiment l'utiliser, il faudrait vraiment le connaître par cœur. C'est possible, je pense, mais c'est difficile. Mais je vais finir là-dessus. En fait, le vrai tour de force du livre, c'est qu'on apprend des choses, les noms des nuages, etc. Mais qu'en plus, on peut presque les toucher, on peut plonger dedans et, pour le coup, on peut même essayer d'y chercher des formes. Au final, si je résume, ça fait poésie, il y a de la poésie, des nuages, de l'imagination, des sciences. Il y a tout ça dans le livre. Et en fait, moi qui aime tout ça, au final, je ne sais pas vraiment si je m'en remettrais de l'avoir lu et de l'avoir découvert. Voilà, c'est en fait la musique du générique qui a été lancé, du générique de fin. Donc, à ce moment-là, fini l'émission. Donc, je vous rappelle les 3 livres dont je vous ai parlé ce soir. Je vous ai parlé du Colorama de Cruciforme, de la petite encyclopédie illustrée des animaux les plus étonnants et de l'Atlas de la petite encyclopédie de Maja Safström et l'Atlas des nuages de Julie Guilhem. 3 livres pour enfants qui dépassent largement le cadre du livre pour enfants qu'on peut lire à tout âge et que j'adorerais avoir. Je vous avoue que là sur ce coup-là je les ai pas, mais ils sont dans ma liste de Noël ou de mon prochain anniversaire, c'est obligé. N'hésitez pas à, si vous avez des questions, à écrire à la radio ou même à l'émission directement. Pour qu'on puisse échanger. En attendant, nous on se retrouve pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine c'est Radio Gaga à la même heure. Nous on se retrouve dans 2 semaines avec normalement Vincent s'il est bien revenu de Pattaya. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Je vais quand même revenir parce que j'avais un petit truc que je voulais annoncer et que j'ai oublié. C'est que la semaine prochaine, il y a une soirée lecture érotique chez Lulu. Donc n'hésitez pas à y aller, vous verrez, c'est très très bien. Cette fois, je m'en vais vraiment. Bonne soirée et sur Radio Dio.